C'est Kev en direct de Radio Mix Floor, on est là jusqu'à 21h, bienvenue. Radio Mix Floor. Un max de son dance floor. Et je vous l'ai promis, on va parler encore de choses peut-être inutiles pour vous, mais en tout cas c'est bon à savoir les avis. On va faire le top 3 des yaourts les plus chelous au monde. Et oui, attention là, ça rigole pas, il y a eu des recherches. Il y a eu des recherches les amis. Alors attention, en troisième position nous avons le yaourt goût caramel macchiato. Oula, déjà en prononçant le nom c'est un petit, voilà, c'est un petit peu chelou. Mais bon, c'est un mélange qui doit pas être très bon. Voilà, donc il est classé troisième position dans les yaourts les plus chelous au monde. En deuxième position nous avons le cupcake. Le cupcake à la vanille. Le cupcake à la vanille, ça m'étonne parce que vraiment c'est très bon. C'est très bon, je sais pas pourquoi il est placé dans les top 2 des yaourts les plus chelous. Et en première position, là par contre j'ai compris, nous avons le yaourt goût mojito les amis, ça doit être vraiment dégueulasse. Et que voilà, t'es là. Donc ça doit être vraiment dégueulasse. Donc tout de suite, excusez-moi les amis, parce qu'en fait il y a l'équipe de la Live Antenne qui commence à arriver. Et ils sont déjà en train de me taquiner, je sais c'est le week-end, ça y est, ça commence à arriver. Ils sont déjà en train de... Alors c'est parce que, bonjour tout le monde, hein. Alors je démarque dans une demi-heure, rassurez-vous, mais c'est parce qu'il m'a beaucoup fait rire quand je suis arrivé dans le studio pour poser mon ordi, et au moment où je suis arrivé j'ai entendu Go Mojito. Alors je ne connais pas, c'est pas Mojito mais Morito, Morito, Mojito, je ne connais pas, du coup je croyais qu'il parlait des spécialités des mojettes, mais non il parlait bien de Morito, mais donc c'est Morito hein, Kevin, ouais, enfin, Mojito, lui, d'accord, plaisir. Pas de soucis, hein, je suis là pour toi. Merci, ça fait plaisir directeur de la radio, ça y est. On va rien dire parce que sinon on va se faire engueuler. Pas. Continue comme ça, directeur va être viré. Allez, tout de suite, Weird Morn sur Radio Mixler. Merci d'être avec nous, c'est Kev dans le Before Dance Floor jusqu'à 21h. It's just a lover, yeah. Na na na na, ooh na na na. Enrique and baby Sarah. Why wake till 6 a.m. Time to work. Let me make you come again.

She a show lot of sign dollar where you a go do. Take a roadside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Man a girl is, I'm in stanza forever. Yo, please, baby don't leave. We gotta put it with the boom bam bam. C'était le Before Dance Floor, les amis. J'ai envie de vous dire, on se retrouve lundi à partir de 20h, 21h. Là, j'ai envie de vous dire, je vous laisse avec la Live Antenne d'Alex. Ça va partir en cacahuète pour ce soir. Ah, je le sens. Je le sens. Je le sens, l'équipe. Ils sont motivés. Ils viennent de rentrer dans les studios. Ils sont bons. Ils sont beaux en plus et ils sont belles. Oh là là là là. À lundi, les amis, dès 20h.

Braxton et vous écoutez mon nouveau single Ailleurs sur Radio Mixfloor. Allez, 21h passé de 2 minutes, soyez bienvenus tout le monde, c'est parti pour une nouvelle soirée en direct hein, jusqu'à 23h. Je m'appelle Alex et toute l'équipe vous accompagne évidemment ici pour Alex Libre Antenne. C'est tous les soirs du lundi au jeudi entre 21h et 23h. En tout cas, on démarre le week-end un petit peu ce soir, en ce jeudi soir. Il y a Ben qui est avec nous ce soir. Ouais. Ça va bien, Ben? Ça va et toi? Bah écoute, très très bien. Pour une fois, on l'entend bien, Ben. Il y a Geoffrey qui est avec nous. Salut Geoffrey. Salut, salut. Ça va bien? Et toi, mon lapin? Bon. Oh mon lapin. Ouais. C'est chaud. Mon petit connard. Ça va, Geoffrey, la forme? Ouais, tranquille. Il y a Alison qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, ça va. Toujours. Ah, tu t'as mis quoi en vêtements aujourd'hui? Un filet de pêche. Mais merde. Il y a Jojo qui est avec nous ce soir. Et puis il est resté avec nous, il va rester tout le week-end parce qu'on a une soirée à Radio Mixfloor samedi à l'Inox. C'est notre ami Kevin qui est avec nous, que vous avez entendu tout à l'heure dans le Before. Bonsoir tout le monde. Bah heureux. Hein, ouais, heureux. Ah, ouais, bah non, mais bonsoir pour vous. Bonsoir. Ah, pardon, bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. Alors, je peux te dire qu'il y a déjà des tensions dans l'équipe entre Kevin et Jojo parce que Kevin a piégé tout à l'heure Jojo et ça n'a pas pris. Bah alors, c'est vraiment un piège vraiment con quoi. Le gars il rigole, il veut faire une arnaque, il rigole direct. Ah, explique. Bah, c'était nul. Ah, explique un petit peu. Ils ont dit que c'était le service de la mairie, que je vais animer un mariage, l'autre il rigole à moitié, j'ai dit ta gueule connard et j'ai raccroché. Comme ça, bon, ça s'est fait. Pour vous, c'était drôle. C'était drôle. Hein, c'était drôle. Non. Merci. Franchement. Franchement. Bon, restez avec toi, en tout cas, on est parti ensemble jusqu'à 23h. On aura ce soir Vie de merde avec Joe. Le retour, on aura le jeu des 5 mots tout à l'heure. On aura les infos insolites avec Alison. Oui. On aura également la minute gaming avec notre ami Ben. Ouais. On aura le retour ce soir après le gros carton de ce lundi soir. Le avez-vous vu Chantal? Ah ouais. Le ah oui, avec... oui, oui. Le retour oh non, avec, non. Ah oui, oui, oui. Le retour avec Jojo. On aura justement dans quelques instants le coup de gueule de Jojo. Encore? Ah bah j'ai l'impression de faire que ça moi. Le coup de gueule de Jojo, on aura la question du soir. Et puis pour terminer, comme tous les jeudis, le défi. Évidemment, la libre antenne. Alors ce soir, un défi un peu spécial parce qu'on a décidé de consacrer ce défi uniquement pour les deux petits nouveaux. Bah c'est voyons. C'est-à-dire ouais, Geoffrey Alissa. Alors vous allez me dire, Jojo est nouveau aussi. Oui, Jojo, il a déjà mais fait. Il, a déjà ouais, fait voilà. Il faisait un peu, il avait fait déjà un peu de radio avec nous. Donc il a déjà fait des défis. Mais il pourrait être solidaire. C'est ça. Bah il pourra le faire aussi. Bah oui. Tu peux tenir la chaîne. Je peux juste dire, c'est que les insectes. Je peux juste dire sans. Et à 50 gemmes, Jojo, il le fait avec nous. Non, c'est mort. À 2 gemmes. À 2 gemmes. Alison et moi, ça fait 2. Allez, 3 avec Ben. Wallah, moi je les mange. Ben, il est content, il nous a mangé un hamburger de chez Charal à 3 euros. Le chef, il était tout content de dire, t'as vu, j'ai ramené à manger, il nous a ramené ses hamburgers à 3 euros. Là, c'est un pot du cul, ça. Après, il fait, c'est pour ça qu'il a 15 mètres de moi. Après, il fait, tu veux une clope, t'inquiète pas, je l'ai payé à l'unité. Et c'est vrai, t'es assez calé avec un hamburger comme ça. Ouais. Bon, t'en prends la donne avec ça. Non, ça rien, non. Putain, mon faux dit.